Yeah, nigga. Yeah. Putain, rien que ça pénaffe, ça pédave en parlant des pétasses. Réforme et pégate, négro fais gaffe. Les coins solides, très peu ils vivent, beaucoup ils survivent. Si t'es perdu, moi négro j'suis le guide. On casse les bancs en deux, les meufs trouvent sa classe d'être vendeuse. Elles lâchent pas leur casquette vendeuse. Money and power, les charas en moyenne un par heure. Le 9-3 et moi on est parés. Bon boy c'est ça mec, la pression non jamais ça s'arrête. Ton pire ennemi, bois dans ta canette. Les ouf, les dalles, les petits malins qui se foutent de ta gueule. C'est trop speed, dis jamais à ta l'heure. Les chutes raccourcissent, les petites grandissent frérot. Tu squattes la tour 6, les flics transitent frérot. Bienvenue à Boboche, mec surveille tes seufs. Bobigny, mec surveille tes seufs. Aulnay, mec surveille tes seufs. À Saint-Denis, mec surveille tes seufs. Pierre Fixton, mec surveille tes seufs. Aubervilliers, mec surveille tes seufs. La Courneuve, mec surveille tes seufs. Où tu vives, mec surveille tes seufs. J'arrive en roue libre. Mike grossiste, on crack music. C'est tellement qu'un riff ou des sous-titres. Y'a des embrouilles, gaffe à tes seufs. Le rap part en couille. Y'a même un pasteur dans G-Uni. Hip hop vendu sous vie. Chanel Lil Kim en zonzon. Elle a mon poster, elle se bat sur mon son. Rap pour DS, comme du GHB dans ton BLS. J'brise des cœurs, donc gaffe à tes fesses. J'presse sous vodka, j'surveille mes seufs. J'garde ma podcast. J'peux enlever que la capote du Porsche Cab. En route vers la gloire, le rap c'est une partout. Surveille tes seufs, ils veulent faire rapper ma gloire, diams dans la bacouse, les keufs aiment pas le flou. Surveille mes seufs, je rapperai depuis le parloir. À l'aise dans la street et j'ai fait plein de tape. Crossover à l'aise avec mes hits comme Dwayne Wade. Bienvenue à Boboche, mec surveille tes seufs. Bobigny, mec surveille tes seufs. Aulnay, mec surveille tes seufs. À Saint-Denis, mec surveille tes seufs. Pierre Fixton, mec surveille tes seufs. Aubervilliers, mec surveille tes seufs. La Courneuve, mec surveille tes seufs. Pour que tu vives, niggas, mec, surveille tes seufs.